Ça c'est du nouveau, je viens d'y penser. Je veux partir à ta conquête, New York, New York. J'ai comme un grand chaud au bout des souliers. J'ai mis de l'or à mes paillettes, New York, New York. Je me vois reine dans ce temple de la musique. J'ai tous les rois de la ville dans le public. 100 000 bravos roule de tous côtés. C'est toi qui claques dans ma tête, mon vieux New York. Et si j'ai su te plaire, c'est à la terre entière que je plairai, New York, New York. Je plairai.